Daphnis et Chloé par Amédée Achard. Chapitre 1er. Il y avait, en 1842, dans la rue Le Pelletier, un petit hôtel séparé de la rue par un jardin que fermait une grille enfoncée dans un mur à hauteur d'appui. Cet hôtel, élevé de 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée, était bien l'une des plus tristes habitations qui se puissent voir dans ce riche quartier où la finance parisienne a son chef-lieu. À l'époque où remonte cette histoire, l'hôtel de la rue Le Pelletier avait un aspect funèbre et désolé. Les fenêtres et les portes en étaient closes, le jardin abandonné à tous les caprices d'une végétation vagabonde, la grille toujours cadenassée. En aucun temps on ne voyait s'ouvrir les sombres persiennes, vainement caressées par les rayons du soleil, ou briller une lumière derrière leurs rainures que l'araignée solitaire tapissait de ses toiles flottantes. Les feuilles jaunies par l'automne jonchaient le gazon, et les rameaux fleuris des lilas s'épanouissaient aux premières haleines du printemps sans que personne n'écartât les dépouilles tombées des arbres ou cueillît les fleurs nouvellement écloses. Une large pelouse tenait le milieu du jardin autour duquel tournait un sentier que des ormes et des tilleuls voilaient de leur feuillage épais. Des caisses pleines de terre de bruyère étaient rangées au pied du mur sous les fenêtres du rez-de-chaussée, mais les plantes en étaient flétries, et des herbes parasites grimpaient le long de leurs ais crevassés. Au milieu du gazon, à moitié caché entre les herbes, gisait un buste de marbre blanc. Au profil pur et superbe de ce marbre, à l'expression douloureuse de ses yeux mornes, un artiste eut reconnu la tête de l'antique Niobé, cette sœur païenne de la mère du Christ. Une balle avait frappé cette tête au front, et l'on voyait aux arêtes du trou creusé dans le marbre des traces noires laissées par le plomb. Parfois l'on entendait monter du jardin des aboiements sonores suivis de hurlements lugubres. Si quelque passant se fût alors penché du côté de la grille, il aurait aperçu un grand épagneul fauve qui, courant par le jardin, le nez à terre, semblait suivre une piste. Puis, bientôt las de cette chasse imaginaire, le chien se couchait sur l'herbe auprès du buste, hurlait et léchait la trace du plomb sur le front de la niobée. Si peu qu'on s'arrêta à contempler ce grand épagneul, cette tête pâle étendue sur l'herbe, cette façade morne avec ses fenêtres closes, ce jardin sauvage et cette solitude au cœur de Paris, on s'éloignait avec un sentiment de tristesse inexprimable. En 1842, l'hôtel et ses dépendances appartenaient à M. le comte Henri d'Alonne. M. le comte d'Alonne passait en ce temps-là pour l'un des hommes les plus originaux de Paris, qui est la ville d'Europe où il y en a le plus, bien qu'il n'y en ait guère, grâce à l'uniformité qui s'étend sur le monde comme une nappe de plomb. Depuis la perte qu'il avait faite de sa femme, morte en 1838, le comte d'Alonne menait la ville la plus décousue qui se pût voir. Durant 6 mois, il étourdissait la chaussée d'Antin de son luxe et remplissait les coulisses de l'opéra de l'éclat de ses aventures et du renom de ses équipages. Puis, tout à coup, au moment où son extravagante prodigalité et le pêle-mêle de ses amours défrayaient toutes les conversations de la ville, le comte disparaissait. Les voitures rentraient sous la remise, les grooms faisaient ce qu'ils voulaient des chevaux, les danseuses ne le voyaient plus, et un beau jour on apprenait que M. d'Alonne était parti pour l'Oberland ou le Tyrol en chaise de poste. Il était arrivé de poursuivre la députation dans un arrondissement où, ayant de fort belles propriétés, il avait quelque chance d'être nommé. Ce furent d'abord des banquets à griser 10 communes, des souscriptions sans fin, toutes sortes de merveilles qui faisaient bondir d'Est ou l'arrondissement. Il en était à son 4e chemin vicinal et à sa 9e école primaire, lorsque, 8 jours avant l'élection, il décampa, laissant aux électeurs abasourdis une belle lettre par laquelle il se désistait de sa candidature. On l'avait vu tour à tour joyeux jusqu'à l'ivresse et triste jusqu'au désespoir. Mais sa joie elle-même avait quelque chose de fiévreux qui étonnait plus qu'elle n'égayait. Quelques personnes affirmaient que M. le comte d'Alonne ne pouvait se consoler de la mort de sa femme et que l'intermittence de son humeur provenait de l'intermittence de ses souvenirs. « Quand il est là de souffrir, disait-on, il s'efforce de l'oublier. » Et c'est alors qu'on le voit courir la ville en équipage décervelé. Mais quand il est à bout de folie, il rentre dans son souvenir comme dans un linceul, et c'est alors qu'il tombe dans cette tristesse morne et sombre à glacer les os d'un trappiste. À cela, d'autres répondaient que M. Dallone, ayant quelque peu trompé sa femme longtemps avant qu'elle mourût, il n'était pas probable qu'il la regrettât beaucoup. Mais à cette objection, on voyait de bonnes dames pleines d'expérience sourire et secouer la tête, prétendant que l'infidélité en affaire d'amour ne prouve rien, et que deux cœurs peuvent très bien se tromper l'un l'autre en s'adorant tout de même. Le comte Dallone avait abandonné l'hôtel de la rue Lepelletier depuis la mort d'Esther. Une dernière fois, disait-on, il en avait parcouru les appartements, touchant à toutes les choses que sa femme avait aimées, s'approvant de l'air qu'elle avait respiré, et caressant des lèvres ou du regard les objets qu'elle affectionnait le plus. Le bruit coura même qu'un vieux domestique qui l'accompagnait dans cette visite d'adieu, ne le voyant pas sortir de la chambre à coucher d'Esther, l'avait trouvé évanoui au pied du lit. Mais peut-être fallait-il reléguer ces propos au rang des caquets qui sont l'amusement des oisifs dans une grande ville. Quoi qu'il en soit, après cette visite, M. Dallone verrouilla les portes et les fenêtres, confia la garde de la maison à un serviteur fidèle et se retira dans un appartement de la rue Neuve des Mathurins. Les choses en étaient là au commencement de 1842, mais pour l'intelligence des événements qui vont suivre, on voudra bien nous permettre de remonter un peu plus haut jusqu'en 1838. À cette époque-là, M. Dallone était marié depuis 4 ans. Les circonstances qui accompagnèrent son mariage furent assez singulières pour valoir la peine d'être rappelées. Elles donnèrent d'ailleurs une idée exacte du caractère de notre héros. M. le comte Dallone, jeune, riche et d'une famille considérable du Berry, avait été poussé par son père dans la carrière administrative. Il était alors sous-préfet à Joigny, après avoir été auditeur au Conseil d'État. Les choses allèrent convenablement durant les premiers mois, et M. Dallone aurait pu faire son chemin aussi bien qu'un autre, si par hasard, un député ne se fût trouvé sur son passage. Ce député était l'un des plus gros propriétaires de l'arrondissement, maître de forge, chevalier de la Légion d'honneur et maire de sa commune. Toutes ces qualités lui avaient un peu tourné la tête, et il y avait des jours où M. André Noisy croyait assez volontiers que la France ne marcherait pas sans lui. Un certain jour qu'il était dans ses superbes dispositions, il se rendit chez le sous-préfet et lui demanda une faveur qui n'était pas tout à fait dans les bornes de la légalité, de l'air d'un homme qui ne peut pas être refusé. M. Dallone refusa tout net. Si ce n'était pas précisément l'illégalité qui l'offusquait, c'était bien certainement le ton du demandeur. M. Noisy, ébouriffé, se cabra et sortit en menaçant M. Dallone de son ressentiment. Une heure après, un rapport partait pour le ministère. Le député y signalait l'odieuse conduite du sous-préfet et concluait à la nécessité de sa destitution. Au bout de la semaine, la ville était en feu. C'était justement alors l'époque de la session annuelle du conseil d'arrondissement. M. Noisy s'y posa en fougueux orateur, et ce furent des discours sans fin à propos de tout. Cette espèce d'opposition divertit d'abord M. Dallone, qui trouvait fort plaisant de jouer au petit ministre devant ce petit parlement. Mais dans diverses circonstances, M. Noisy le prit de si haut que le sous-préfet dut répliquer vertement. On arriva au chapitre des personnalités, et les caquets de la ville s'en mêlèrent. Il en revint quelque chose aux oreilles de M. Dallone. Il perdit patience et envoya sa démission au ministre. Ce jour-là, M. Noisy convia les plus gros bonnets de Joigny à dîner, et au dessert on chanta des couplets de sa façon où l'on bernait le sous-préfet avec l'esprit que comportait la circonstance. Le lendemain, M. Dallone expédia une nouvelle lettre à Paris plus pressante que la première, une bonne âme lui ayant soufflé quelques refrains des couplets. Le ministre trouva commode de profiter des excellentes dispositions de M. Dallone pour éteindre le volcan de Joigny. Il accepta la démission qui lui était offerte. Quand la nouvelle en parvint au chef-lieu de l'arrondissement, ce furent chez M. Noisy un nouveau banquet et de nouvelles chansons suivies d'un bal. Le député vainqueur poussa même la plaisanterie jusqu'à faire illuminer les 12 fenêtres de sa maison. mais les derniers lampions fumaient encore lorsque M. Dallone, se présentant chez l'amphitryon, énonça le but de sa visite en termes si clairs et si nets qu'il fallut gagner un petit bois voisin sans plus tarder. M. Doisy reçut un bon coup d'épée dans le bras et revint au logis fort dégrisé des illuminations et des couplets, si bien que Joigny, à son réveil, apprit tout à la fois et comment on avait dansé et comment on s'était battu. Mais les choses n'en devaient pas rester là. M. Noisy ayant un frère, M. le baron de Noisy, qui pouvait bien réclamer pour sa part une douzaine des vers chantés au dernier festin. Le baron de Noisy, qui était le chef de la famille, jouissait d'un grand crédit dans le pays, où il passait pour une forte tête. Comme il avait été quelque temps intendant militaire lors de l'expédition du duc d'Angoulême en Espagne, il parlait volontiers de guerre et de bataille et disait complaisamment « le gouvernement et moi ». Cette formule imposait à ses voisins, qui étaient tout fiers de posséder un tel homme parmi eux. La superbe du député ne pliait que devant l'importance de l'ex-intendant, aussi ne put-il s'empêcher de dire, tandis qu'on nouait un mouchoir autour de sa blessure, « Morbleu, monsieur, vous n'en êtes pas où vous croyez. Le baron de Noisy, mon frère, saura bien vous laver la tête quand il apprendra ce que vous avez fait. » « Je prendrai donc la liberté de le lui raconter moi-même, » avait répondu M. Dallone, et il était parti. Le baron de Noisy demeurait dans un château à 4 ou 5 lieues de Joigny. M. Dallone, que son duel avait fort échauffé, pressa son cheval si vivement qu'au bout d'une heure, le pauvre animal buta contre un caillou, s'abattit et se couronna. Il fallut le traîner par la bride jusqu'au cabaret le plus voisin, après quoi M. Dallone prit à travers champs. Il n'avait pas fait un demi-quart de lieue qu'il s'était égaré dans un dédale de haies, de jardins, de vergers et de vignes. L'impatience le gagna, et il se mit à courir au hasard, donnant au diable le député, le baron, la sous-préfecture et le château. Comme il franchissait un joli fossé tapissé de boutons d'or, un léger cri lui fit tourner la tête, et il vit, assise à l'ombre d'une haie, à 3 pas devant lui, une jeune fille qui se faisait un gros bouquet de fleurs des champs. Cette jeune fille était coiffée d'un large chapeau de paille d'où s'échappaient 1000 boucles de cheveux bruns. Elle avait les yeux d'un bleu profond où brillait une vive étincelle et sur sa bouche rose flottait encore le refrain d'une chanson. À la vue de M. Dallone, la jeune fille laissa ses fleurs éparpillées et rougit. « Ah mon Dieu, monsieur, » dit-elle gaiement, « vous m'avez fait grand peur. » M. Dallone s'arrêta tout surpris devant cette belle fille de 16 ans, dont le regard était si pur et le sourire si vermeil. « Il faut me pardonner, mademoiselle, » reprit-il. « Je ne sais pas trop où je suis, et je courais pour trouver mon chemin, étant fort pressé. Oh, je ne vous en veux pas. À la campagne, on ne marche pas comme à la ville. Je marche, il est vrai, mais sans savoir du tout où est mon chemin. Au moins, savez-vous bien où vous voulez aller ? Oh, pour cela, oui. » « Je cherche monsieur le baron de Noisy. »« Hein ?» fit la jeune fille en se levant. « Si même vous pouviez m'indiquer le sentier qui conduit à son diable de château, vous me rendriez un grand service. »« Ma foi, monsieur, vous ne pouviez pas mieux tomber. Je vais moi-même à Noisy, et si vous voulez me suivre, nous ferons la route de compagnie. Noisy est là-bas, derrière ses peupliers, à 10 minutes à peu près. »« Si près ?» s'écria étourdiment M. Dallone. La jeune fille rougit un peu, mais ne se fâcha point. Elle ramassa du bout de ses jolis doigts sa moisson de fleurs, mit son chapeau par terre et, s'en servant comme d'un panier dont les deux ans seraient faites de rubans, y déposa sa gerbe odorante et partit. Quant à la filoche pour attraper les papillons, elle pria M. Dallone de s'en charger et tous deux s'en allèrent par un sentier verdoyant. Il n'avait pas fait 30 pas que les yeux clairs et riants de la jeune fille s'arrêtèrent sur ceux de son compagnon. « Vous avez donc affaire à Noisy ? » dit-elle d'un petit air curieux. « Certes, oui, mais ce ne sera pas long. J'arrive de Joigny, où je me suis battu avec M. André Noisy, à qui j'ai donné un bon coup d'épée. »« Qu'est-ce que vous dites donc là ? » s'écria la jeune fille tout effarée. « Ma foi, mademoiselle, je dis ce que j'ai fait. » « Maintenant je vais à Noisy pour chercher monsieur le baron, à qui je me propose d'expliquer un autre bon coup d'épée pour lui apprendre à faire des chansons sur les sous-préfets. » Mais la jeune fille n'entendait plus rien. Ses joues étaient devenues toutes blanches, la corbeille de fleurs s'échappa de ses mains et il se laissa tomber sur un petit tertre au pied d'un sureau. « Eh mon Dieu, mademoiselle, qu'avez-vous donc ? » s'écria M. Dallone. « Monsieur le baron de Noisy serait-il de vos parents ? Répondez-moi vite !» Mais la jeune fille n'avait garde de répondre. Son corps était immobile et sa bouche sans haleine. « Ah ça, que diable j'ai donc dit ? Mais en vérité, je crois qu'elle s'est évanouie !» reprit M. Dallone, qui cherchait à réchauffer dans ses mains les petites mains de sa compagne. Il y avait auprès du sentier un joli ruisseau. M. Dallone y trempa un gros bouquet de fleurs et le secoua au-dessus de la jeune fille. La fraîcheur de l'eau ranima la pauvre évanouie. Elle ouvrit les yeux, soupira, reconnut M. Dallone et lui prit les deux mains. « Oh, monsieur » s'écria-t-elle avec un accent d'une douceur inexprimable. « Je vous en prie, n'allez pas tuer mon père !»« Votre père, mademoiselle ?» répondit M. Dallone tout étourdi. « Oui, mon père, le baron de Noisy, à qui vous voulez donner un grand coup d'épée ?» reprit-elle en fondant en larmes. « C'est bien assez, déjà, de mon pauvre oncle André Noisy, qui est peut-être mort à l'heure qu'il est. « Eh, rassurez-vous, mademoiselle, il n'est point aussi malade que vous le pensez. Quant à monsieur votre père, Dieu me préserve de le tuer, maintenant que je sais que vous êtes sa fille. »« Bien vrai ?» reprit-elle avec une effusion qui fit bondir le cœur de monsieur Dallone. « Aussi vrai qu'il m'a chansonné, » dit-il gaiement. « Mais j'aimerais mieux qu'il me passe à 36 fois son épée au travers du corps que de vous causer le moindre chagrin. » Un doux sourire éclaira le visage de la jeune fille tout trempé de larmes. « Si c'est pour moi que vous le faites, merci, monsieur, » dit-elle en rougissant. « Et pour qui serait-ce donc, s'il vous plaît ? » s'écria-t-il. « Ce matin, mademoiselle, j'étais décidé à tout massacrer. Je vous ai rencontré et il ne m'est rien resté de ma colère. Maintenant que c'est bien entendu, voulez-vous toujours me conduire à Noisy ? » ?»« Volontiers, » dit-elle. Monsieur le baron de Noisy était dans la grande allée de son parc, occupé à lire le journal du département, où il avait fait insérer un rapport sur l'étymologie du nom de Joigny, lu en séance publique devant l'académie du chef-lieu. À peine sa fille l'eut-elle aperçu, que par un mouvement instinctif, elle se mit à courir et lui sauta au cou. « Monsieur, lui dit l'ex-sous-préfet après l'avoir salué, si ma présence à Noisy a lieu de vous étonner, le motif qui m'a conduit vous étonnera bien plus encore. J'y venais pour vous proposer de nous battre un continent. Un duel, monsieur ? S'écria le baron. Comme celui que j'ai eu ce matin avec monsieur votre frère, que j'ai eu la maladresse de blesser au bras. Mais j'ai rencontré mademoiselle votre fille, et mes intentions sont singulièrement changées. Vous connaissez ma fortune, vous savez de quelle famille je sors, j'ai 26 ans. Si tout cela peut excuser l'audace de mes prétentions, je vous prierai de vouloir bien agréer à la demande que je vous fais de la main de mademoiselle Esther. À cette déclaration inattendue, le journal tomba des mains du baron. La jeune fille devint pourpre, mais à son air, il paraissait que la demande ne lui déplaisait pas trop. « Ah ça, monsieur, un mariage après un duc ? » s'écria le baron, quand il fut un peu revenu de sa stupéfaction. « Précisément, c'est le moyen de tout concilier. Croyez-moi, monsieur, assez longtemps nous avons été les Montaigu et les Capulet de Joigny. Rendons la paix à cette pauvre ville que nos querelles ont agitée. Si j'ai eu des torts, je les confesse. Si je n'en ai pas eu... Je les confesse encore. J'étais un assez médiocre sous-préfet. Je tâcherai d'être un bon mari. Le voulez-vous ? Le baron de Noisy ne put s'empêcher de rire. C'était, malgré ses grands airs, un très bon homme au fond. Il regarda sa fille qui n'osait plus lever les yeux et sourit. « Venez déjeuner avec nous, » dit-il à M. Dallone. « Nous en causerons plus tard. C'est un projet sur lequel vous me permettrez tout au moins de réfléchir. » Après le déjeuner, où il ne fut plus question de mariage, M. le baron de Noisy reconduisit M. Dallone à Joigny et se rendit lui-même chez son frère à qui il fit part de la proposition de l'ex-sous-préfet. « C'est un singulier homme, » dit le blessé, « et de sa part rien ne saurait plus me surprendre. Cependant, sa demande n'est pas de celle qu'il faille repousser d'emblée. « Eh, mon frère, je t'avouerai même que je suis tenté de l'accepter. » M. Dallone a du bien, de la naissance, une famille haut placée. Ce mariage éteindrait nos divisions et nous donnerait une alliance honorable. Tu as peut-être raison, dit le maître de forge. Depuis ce matin, j'ai eu, étant au lit, tout le temps de réfléchir à ma conduite envers M. Dallone. elle n'est pas sans reproche, et je pense avec toi qu'il faut nous hâter d'oublier le passé. » Le résultat de cette conversation fut tout à l'avantage de M. Dallone, et le lendemain, tout Joigny vit son ex-sous-préfet entrer chez M. André Noisy au bras du baron, et le soir même, les premiers bans furent publiés à la mairie. Ce fut un sujet de conversation pour tout l'arrondissement. Trois semaines après, la sous-préfecture en masse assistait à la bénédiction nuptiale donnée aux jeunes époux en l'église paroissiale. M. André Noisy, qui n'était point fâché d'avoir pour neveu le fils d'un pair de France, le pressa de retirer sa démission ou tout au moins d'accepter une autre sous-préfecture. « Pourquoi faire ?» répondit M. Dallone en souriant. « Je ne connais pas un arrondissement où il y a au moins un député. » M. André Noisy sourit et n'en parla plus. Les premiers mois de la lune de miel se passèrent chez le baron, mais au commencement de l'hiver, les deux nouveaux mariés partirent pour Paris et descendirent à l'hôtel de la rue Lepelletier, dont les plus habiles tapissiers de la chaussée d'Antin avaient fait un nid de soie et de velours.